La foule s'est déjà massée sur la rue Sainte-Catherine. Une pancarte que je peux lire à l'instant. Jamais nous ne nous soumettrons à une société élitiste. Des policiers en tenue d'anti-émeute protègent les entrées de l'Université du Québec à Montréal, au coin Maisonneuve et Berry. Quelques personnes regardent au travers des vitres le cortège défilé le long de la Grande Bibliothèque nationale sur la rue Berry. La foule réclame la rue. Elle la prend. Et elle marche vers le nord sur la rue Berry en direction d'Ontario. Ce sont des chauffeurs de taxi qui klaxonnent en appui aux étudiants et aux étudiantes qui marchent dans la rue et leurs sympathisants, sympathisantes qui crient plus fort pour que personne ne les ignore. Plus fort pour que personne ne nous ignore, criant! Plus fort pour que personne ne nous ignore, criant! Plus fort pour que personne ne nous ignore! Il y a eu une assemblée générale hier à laquelle je n'ai pas participé parce que je travaillais. Mais il y a des assemblées chaque semaine qui se déroulent. Puis c'est quand même un peu triste, en fait, si je veux être honnête. Il n'y a pas tellement de gens. On est 3900 en grève à la Faculté des arts de l'UQAM. Puis en ce moment, y a, dans les assemblées générales, je dirais depuis un mois et demi, il doit y avoir à peu près une quarantaine de personnes. Mais on a des débats de fond. La FEA prend position sur toutes sortes de... notions, c'est souvent en rapport, aux propositions qui ont été faites dans les dernières semaines ou aux positions que le gouvernement nous demande d'adopter ou non. Tu sais, on pense à l'avenir, il y a quelque chose de tellement plus vaste dans ces revendications-là. Je pense que ça a inspiré, oui, certes, beaucoup de strates de la population qui étaient peut-être un peu endormies, là, ouais, depuis quelques années. Ne serait-ce que le jour de la Terre, la semaine passée, moi, ça m'a fascinée, tu sais. 250 000 personnes dans la rue. Je pense pas que ce serait arrivé s'il n'y avait pas eu cette grève historique, tu sais. Je pense que les gens étaient là, en appui aux étudiants aussi. Mais, contre la marchandisation de notre territoire, contre une logique néolibérale, finalement, qui s'immisce. Puis, tu sais, on est tellement dans une logique marchande de plus en plus... Je sais pas. T'sais, on est tellement... Le principe de l'utilisateur-payeur me fascine. T'sais, on est tellement endormi par ça. T'as un service, ben c'est normal que tu doives le payer. Puis là, je pense que les gens se tannent de ça. Puis comprennent de plus en plus qu'il y a des droits aussi, t'sais. Il y a des choses qui doivent être accessibles pour qu'une société fonctionne bien, aille bien, soit en santé. Ben je trouve ça beau. Fait que s'il faut en plus retourner en classe avec rien, je veux dire, ça va être terrible. Mais en même temps, nos mandats de grève sont tellement solides que ça se peut presque pas. En tout cas, à la FEA, tu vois, on n'a pas le pouvoir de faire des assemblées générales à la moindre offre bidon. Tu sais, ça va être juste sur un recul de la hausse qu'on va retourner en classe. Ce qu'ils ont annoncé aujourd'hui, c'est une offre ou c'est... C'est une arrogance pure, je veux dire, c'est hausser la hausse. c'est complètement ridicule. C'est complètement ridicule. Moi, je suis pas super bonne en économie, mais ça prend vraiment pas la tête à Papineau pour se rendre compte qu'on se fait fourrer. Je veux dire, c'est n'importe quoi. L'offre de la ministre est baveuse, effrontée, agressante, ulcéreuse, calamiteuse, honteuse, accablante, merdique et pathétique. Cette offre est un affront à notre intelligence. C'est les sentiments que j'ai éprouvés lorsque j'ai appris l'offre de la ministre et du premier ministre. Une offre complètement immature. Il y a maintenant une bonne ligne d'anti-émeute qui bloque la manifestation au coin Saint-Laurent et Ontario. La police montée est en arrière de la manifestation au coin Sherbrooke et Saint-Laurent. On ne sait pas exactement qu'est-ce qui se passe. Jusqu'à présent, aucun avis n'a été communiqué à la manifestation. Vous, monsieur, est-ce que vous êtes étudiant? Non. Enseignant. Enseignant où? Aux adultes. Ils sont pas là, là, les adultes. Et vous êtes ici, pourquoi? Ben, parce que je considère que le Québec est un des pays les plus développés au monde et qui est incapable d'assumer ce que plein d'autres pays très développés peuvent faire. Donc, c'est un choix idéologique, politique. Donc, c'est inadmissible parce que... C'est tout. C'est pas vrai qu'on n'a pas les moyens. On les a, c'est juste des choix politiques. Alors, je trouve ça merveilleux, ce soulèvement. Ça prouve que la jeunesse n'est pas si loin de la politique qu'on le disait. Ça fait du bien à voir. Voilà. Et vous, est-ce que vous êtes étudiante, enseignante, travailleuse? Je suis beaucoup de choses. Je suis enseignante à l'UQAM. Je suis professeure à l'UQAM et je suis là pour mes étudiants. J'ai des enfants aussi qui sont dans la foule, des belles filles, des gens qui étudient. Donc, ce sont tous nos enfants, c'est évident. C'est la jeunesse, c'est ceux qui vont faire le Québec de demain. Puis je vous jure qu'il y a beaucoup de maudits problèmes en face de nous qu'il faut régler avec sa tête!